Yamugi. Allez, débrouille-toi. Ça va les amigos? Mais oui, ça va. Ouais. Alors je vais profiter de l'absence de Nagui, qui est toujours à Mossoul, pour l'enregistrement d'un N'oubliez pas les paroles spécial État islamique avec Louane et Richard Cochintia. Il nous aura avec sa nostalgie. Je vais parler de l'importance du sommeil ce matin. Et c'est bien parce qu'avec Nagui, en fait, quand Nagui il est là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il pose des questions qui sont tellement longues que moi, ça me permet de faire des micro-siestes de 5-6 minutes. Je peux pousser jusqu'à 8-9 minutes quand Nagui répond lui-même à ses propres questions. Mais c'est plus complexe de dormir. Quand Leïla et Daniel sont à la présentation, Daniel c'est un super sniper, mais comme il a peu de vocabulaire, en fait, quand il présente, il doit se limiter à des questions du genre « Et vous, ça va ?» Sinon, ce film et autres, tu as déjà mangé ? Enfin, des trucs. Alors que Leïla, elle est bon, Leïla, on va dire, elle est plus affûtée intellectuellement, mais comme elle prépare rien, que la culture ça l'emmerde, en fait, elle est plus sur des questions ouvertes, genre Lambert Wilson, racontez-nous votre parcours, merci. Alors moi, ça m'arrange pas pour mes micro-siestes. Et du coup, parce qu'en fait, les dernières études scientifiques en date montrent que la privation de en date montrent que la privation de sommeil, eh bien figurez-vous, c'est très mauvais pour la santé. Allez ! Et l'articulation ? C'est très mauvais pour la santé. Allez, quoi, si c'est mort, sous la table. C'est mauvais pour la santé. Ouais. Et... Vas-y, reprends. Non, mais je sais, les études sur la santé, c'est le truc le plus prévisible au monde, en fait. C'est les comédies romantiques de la science, tu vois. Tu lis le titre et tu sais qu'à la fin, Jacqueline et Gérard, ils vont ken. Il n'y a jamais de surprise. À la fin d'une comédie romantique, c'est jamais Jacqueline qui met une droite à Gérard en lui disant « Je te file le sida !» Clap générique de fin. Jamais, toi. Non, tout jamais. Le monde fait, elle a bien changé, Anaïs de Moustier. Ben non, mais jamais. C'est pareil ici. Tu lis une nouvelle étude sur l'impact du sommeil, tu sais, quoi. Tu sais que les mecs, ils vont pas te dire « Eh ben, on a bien réfléchi. » Une bonne insomnie, tu vois, vraiment. Ça, c'est 2 heures par nuit. C'est assez l'idéal pour être frais comme un pamplemousse. Eh ben, c'est de dormir bien bourré devant Mad Max avec des nachos. Vraiment, jamais ils te disent ça. Les scientifiques et les médecins, ils te disent toujours des trucs genre oui, pour être en bonne santé. Ce que je conseille moins. Alors, je sais que c'est peu orthodoxe. Bien dormir, une alimentation saine, une activité physique régulière, ne pas fumer et réduire sa consommation d'alcool. Quelle audace. Ça risque de faire hurler les confrères, mais vraiment, c'était là. Ok, mec, les scientifiques, ils ont un petit côté, l'eau, ça mouille, les œufs, ça casse, le vent, ça ébouriffe, qui me donne envie de crever dans un bulot, quoi, vraiment. Et, mais il y a un truc qui ne calcule pas, c'est que... Il y a un truc qui ne calcule pas, ces gens-là, c'est qu'en fait, chaque fois qu'ils nous stigmatisent, nous, les gens qui ont des hygiènes, qui avons des hygiènes de cultivateurs d'herpès, nous, les gens qui nous disons « On dormira quand on sera mort !» Oui, et par rapport à ton cancer. Oui, en effet, c'est relou. Mais ben, à chaque fois, à chaque nouvelle étude qui nous dit qu'une vie saine, en fait, c'est mieux qu'une vie malsaine, et ben nous, ça nous déprime, en fait. Et la dépression, les études le prouvent, c'est mauvais pour la santé, vraiment. Et c'est vrai, là, par exemple, là, j'ai lu que l'ADN, et ben, chaque nuit, s'endormir endommage un peu ton ADN. Vraiment. Donc, ouais. Et moi, je me suis dit, putain, si chaque nuit où moi, j'ai pas dormi, mon ADN a été endommagé, mon ADN doit avoir une de ses gueules. Mon ADN, c'est Jean-Pierre Castaldi, quoi. Vraiment. C'est... Avec l'ADN que j'ai, si je fais un gosse un jour, il aura des mutations de bâtard. Il aura le coude à la place de la clavicule, l'anus dans le cuir chevelu, ça va être une bête de foire. Vraiment. 9 chances sur 10, il va lui manquer un organe. Mon enfant, ça va être un truc horrible. Vraiment. Donc voilà, je m'adresse à la communauté scientifique. Je crois qu'on a tous capté que vous bossiez pour le lobby des asperges. Pas de jugement de valeur. On doit tous gagner notre croûte. Mais faites un effort. Donnez-nous au moins des petits bonheurs alternatifs. Genre, certes, manger des légumes verts te fera vivre quelques années en plus, mais manger une pizza te permettra d'apprendre quelques mots en italien, tel Regina, qui veut dire reine, prosciutto, qui veut dire jambon, ça te permettra de te faire accepter plus facilement par la communauté italienne la plus proche de ton domicile. Certes, faire du sport te permettra de fluidifier tes artères, mais faire du sport, c'est peut-être aussi faire du sport en Russie, dans une coupe qui concerne le monde. Tu joues contre un beau petit pays, par exemple, tu bétonnes derrière, tu vois. Et après quoi, tu te rends compte que t'es une merde et t'es dans la haine de toi-même, tu vois. Comme la France, par exemple. Eh bien, je dis dépression, mauvaise santé, peu de sommeil. Donc je vais tenter de faire une micro-sieste. Allez, bonne émission. Merci Guillaume Audise. Bonne nuit. France Inter. La bande originale.